Bilan. Page 90. Activité 1. Piste 78. Nicolas, ce matin, tu as cours d'art plastique ? Oui, Sophie, 2 heures d'art plastique. Et toi ? J'ai 2 heures de français. Cet après-midi, j'ai 2 heures de maths. Pour moi, 1 heure de maths et 1 heure d'anglais.